pour me tirer d'un doute où me jette ma sœur, entre elle et moi, Clitandre, expliquez votre cœur, découvrez-en le fond, et nous daignez apprendre qui de nous à vos vœux est en droit de prétendre. Non, non, je ne veux point à votre passion imposer la rigueur d'une explication, je ménage les gens, et sais comme embarrasse le contraignant effort de ses aveux en face. Non, madame, mon cœur qui dissimule peu, ne sent nulle contrainte à faire un libre aveu. Dans aucun embarras, un tel pas ne me jette. Et j'avouerai tout haut d'une âme franche et nette que les tendres liens où je suis arrêté, mon amour et mes vœux, sont tous de ce côté. Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte, vous avez bien voulu les choses de la sorte. Vos attraits m'avaient pris et mes tendres soupirs vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs. Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle, mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle. J'ai souffert sous leurs joues sans mépris différent. Ils régnaient sur mon âme en superbe tyran. Et je me suis cherché, lassé de tant de peines, des vainqueurs plus humains et de moins rudes chaînes. Je les ai rencontrés, madame, dans ses yeux. Et leurs traits à jamais me seront précieux. D'un regard pitoyable, ils ont séché mes larmes et n'ont pas dédaigné le rebut de vos charmes. De si rares bontés m'ont si bien su toucher qu'il n'est rien qui me puisse à mes fers arracher. Et j'ose maintenant vous conjurer, madame, de ne vouloir tenter nul effort sur ma flamme, de ne point essayer à rappeler un cœur résolu de mourir dans cette douce ardeur. Et qui vous dit, monsieur, que l'on est cette envie et que de vous enfin si fort on se soucie? Je vous trouve plaisant de vous le figurer et bien impertinent de me le déclarer. Et doucement, ma sœur. Où donc est la morale qui sait si bien régir la partie animale et retenir la bride aux efforts du courroux? Mais vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous? De répondre à l'amour que l'on vous fait paraître sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être. Sachez que le devoir vous soumet à leur loi, qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix, qu'ils ont sur votre cœur l'autorité suprême et qu'il est criminel d'en disposer vous-même. Je rends grâce aux bontés que vous me faites voir de m'enseigner si bien les choses du devoir. Mon cœur, sur vos leçons, veut régler sa conduite. Et pour vous faire voir, ma sœur, que j'en profite, Clitandre, prenez soin d'appuyer votre amour de l'agrément de ceux dont j'ai reçu le jour. Faites-vous sur mes vœux un pouvoir légitime et me donnez moyen de vous aimer sans crime. J'y vais de tous mes soins travailler hautement et j'attendais de vous ce doux consentement. Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine à vous imaginer que cela me chagrine. Moi, ma sœur, pas du tout. Je sais que sur vos sens, les droits de la raison sont toujours tout-puissants et que par les leçons qu'on prend dans la sagesse, vous êtes au-dessus d'une telle faiblesse. Loin de vous soupçonner d'aucun chagrin, je crois qu'ici vous daignerez vous employer pour moi. Appuyez sa demande et, de votre suffrage, pressez l'heureux moment de notre mariage. Je vous en sollicite. Et pour y travailler? Votre petit esprit se mêle de railler et d'un cœur qu'on vous jette, on vous voit toute fière. Tout jeté qu'est ce cœur, il ne vous déplaît guère. Et si vos yeux sur moi le pouvaient ramasser, ils prendraient aisément le soin de se baisser. À répondre à cela, je ne daigne descendre. Et ce sont ceux discours qu'il ne faut pas entendre. C'est fort bien fait à vous. Et vous nous faites voir des modérations qu'on ne peut concevoir.